Le soleil brûle sur la colline. Je ne suis pas tout le monde. Quand il est sec, mais rien qu'un corps dans mon esprit. Je suis ici pour rester. Celle qui est ici aujourd'hui. Quand il est sec, mais rien qu'un corps dans un esprit. Je ne suis rien qu'un corps dans mon esprit. J'ai l'impression que quelque chose n'est pas droit. Ça penche, ça penche. Pas de crainte, mais des raisons que je ne peux citer. Je ne peux citer. Abattre le soleil qui se noie. À ramener le soleil à la vie. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas les autres. Je ne suis pas n'importe qui. Péché mortel. Destin mortel, vent est sec, mais rien qu'un corps dans un esprit. Je suis maladroitement mortel, pas ici, mais au courant des derniers temps. Je ne suis pas, je ne suis rien. Mais un corps dans un esprit. J'ai l'impression que quelque chose n'est pas droit, non, quelque chose penche. Pas de crainte, mais des raisons que je ne peux citer. Abattre le soleil. Ramener le soleil à la vie. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas les autres. Oh, le soleil brûle sur les collines. Le soleil brûle sur les collines. Speculation. Eh bien, obtenir tout seul ou ensemble. Spéculation, devenir la chouette à minuit. Situation, je suis le voyant, je suis le sourcier. Situation, deviens celui qui te combat. Deviens celui qui te combat. Deviens le hibou de minuit. Deviens le hibou de minuit. Dans le sec. Je suis mortel à gagner du temps. Avec le soleil trop lumineux, je ne suis rien, mais un corps dans un esprit. Je ne suis rien, mais un corps dans un esprit. Abattre le soleil qui se noie, ramener le soleil à la vie. Je ne suis pas tout le monde, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis. Pas les autres. Je Je ne suis pas les autres, je ne suis pas les autres, je ne suis pas...